trop de pleurs, des illusions, des erreurs. Par ton sourire, tu t'envoles, tu n'es plus que symbole. Que reste-t-il pour nous? Rêveur, amour, fou, gourmand de baisers tendres. Faudra-t-il apprendre la souffrance des jours sombres? Attitude d'un trop grand nombre. Je sais pourtant qu'ils existent, des gens qui insistent. Moi, j'ai choisi mon cœur.